Chapitre 21e. Nous sommes dans la grande salle de justice, dans cette même pièce où Humphrey Vargas avait fait ses aveux. Mais c'est à peine si on peut la reconnaître, transformée comme elle l'est par les branches de houx et de laurier qui l'ornent de tous côtés. Deux longues tables sont dressées dans la salle. Sur l'une d'elles est servi un thé somptueux. Sur l'autre sont étalés les objets utiles que Dulcy offre tous les ans à Noël aux déshérités de la fortune. Aux petits enfants, manteaux et capelines, aux fillettes, chapeaux et jaquettes, aux vieillards, chauds tricots de laine, aux jeunes garçons, bérets, vestons et bien d'autres choses encore. Dulcy, plus jolie que jamais dans un costume de velours noir, va et vient au milieu des pauvres gens qu'elle a conviés à Fairview, offrant à celle-ci une tasse de thé, à celui-là un sandwich, appelant chacun par son nom, sachant l'âge des enfants, s'enquérant particulièrement de tous ceux qu'une maladie avait frappés. Miss Blake, ses nièces, Elizabeth Hartman, aident Dulcy à faire la distribution des paquets de thé et de café. Morton, sans la présence duquel la fête n'eût pas été complète, oublie ses chagrins en contemplant sa fiancée gracieuse et bonne pour tous, qui, comme un ange du ciel, va de l'enfant au vieillard, du vieillard à l'enfant. On est venu de bien loin à Fairview ce jour-là. Tous les protégés de Dora Blake y ont été invités, et ce n'est pas peu dire. En se multipliant comme elle le faisait, Dulcy avait alors un double but, celui de la charité, joint au désir de se distraire d'un vrai chagrin. Son père était parti la veille pour Londres, où des affaires particulières réclamaient sa présence. Pour la première fois, Sir Everard devait passer la fête de Noël loin de sa fille, et la pauvre enfant n'avait pas dissimulé le chagrin qu'elle en éprouvait. « Il faut venir chez nous le jour de Noël, » avait dit Miss Blake à sa jeune amie, « et nous avons tout lieu d'espérer que vous y serez heureuse. » Dès que tous ces braves gens seront partis, dites à votre femme de chambre de préparer votre caisse, et nous allons vous enlever. Mon père ne sera pas satisfait si je quitte la maison en son absence, répondit Dulcy. J'en prends la responsabilité, et s'il m'en blâme, eh bien, il me blâmera. Oh, j'espère que ça n'arrivera pas. Il a pour vous tant de respect et d'affection. Il se plaît à dire que tout ce que vous faites est bien fait. Allons, c'est une chose décidée, vous viendrez avec nous. On passe alors dans une autre pièce, la salle des gens de service, au milieu de laquelle s'élevait un gigantesque arbre de Noël, chargé d'innombrables bougies de couleurs et d'une quantité d'objets utiles et agréables pouvant plaire et convenir à chacun. Des cache-nez, des blagues à tabac pour les hommes, des jouets variés, des souliers pour les bébés, des dés d'argent, des boîtes à ouvrages pour les grandes sœurs et leurs mamans, des bonbons, des oranges pour tous. Bref, un véritable arbre enchanté. Personne ne s'en retourna les mains vides, et grâce au tact de Dulcy, chacun reçut précisément ce qu'il convoitait et désirait le plus. On rentra dans la salle de justice, d'où les longues tables avaient été enlevées comme par une baguette magique. Devant trois pupitres, on avait placé deux violons et un cornet à pistons. Des domestiques circulaient avec des plateaux chargés de ponche, de vin chaud, de sirop et de corbeilles de gâteaux. Il fallait bien, avant de commencer les danses, ranimer les forces des assistants, épuisés par la fiévreuse surexcitation de l'arbre de Noël. Enfin, les violons raclèrent quelques accords. Le cornet à piston lança une ou deux notes discordantes. À ce signal, chacun se mit en quête d'un partenaire. Dulcy et Morton ouvrirent la danse. Elizabeth Hardman choisit pour cavalier un gros bébé de 3 ans en costume écossais. La tante Dora prit un beau gars bien découplé qui rappelait, par ses hautes guêtres en cuir et sa veste grise, les guides des Pyrénées. Après une heure de danse animée, entre lesquelles les rafraîchissements ne chômèrent pas, les danseurs prirent congé de Dulcy, après avoir poussé en son honneur 3 formidables hurrahs. Puis chacun regagna son logis en bénissant la jeune hôtesse de Fairview. Le lendemain, tous les habitants de Tangley Manor, y compris Dulcy, se rendirent à la vieille église de Highley pour assister à l'office de Noël. De là, ils allèrent prendre des nouvelles de Lady Frances en traversant les bois poudrés à blanc par la neige. Lord Blatchmardine invita de si grand cœur ses visiteurs à déjeuner qu'ils crurent ne pouvoir le refuser. Le noble amphitryon avertit Morton qu'il avait à lui parler de certaines expériences agricoles qu'il venait de faire. Puis il pria Dulcy de ne pas lui en vouloir d'accaparer son fiancé. Baville profita de la circonstance pour causer avec elle, et il commença par lui adresser d'aimables reproches de se faire si rare à Blatchmardine. « Il m'en coûte toujours de quitter mon père, » répondit-elle. « Ce qui n'empêche pas que vous projetez de l'abandonner pour toujours. Ce n'est pas très logique, Miss Dulcy, permettez-moi de vous le dire. » Tanglay n'est pas éloigné de Fairview, et j'espère que je recevrai aussi souvent les visites de mon père, qu'il recevra les miennes. Je ne puis croire qu'il existe une grande parité d'esprit entre votre père et votre fiancé. Sir Everard étant un philosophe plutôt qu'un homme d'action, ce que Morton est avant tout. N'a-t-il pas l'intention d'entrer au Parlement? Je le crois. Alors il vous faudra passer la moitié de l'année à Londres, loin de Sir Everard Courtenay. Mon père peut venir nous y rejoindre. C'est mal à vous, Lord Beville, de me taquiner ainsi. Il ne faut pas prendre la chose au tragique, Miss Dulcy. Hélas, la fable du renard qu'elle a queue coupée trouve souvent son application parmi les hommes. Morton, tout en causant en grès artificiel avec Lord Batchmardine, se demandait ce que sa fiancée avait à dire d'intéressant à Lord Beville. Il se promettait d'aller s'en informer dès que le déjeuner serait fini, ce qu'il fit, en effet. Mais à peine était-il près de Dulcy, que Lady Frances l'enleva à son doux tête-à-tête en demandant à Morton de la suivre aux écuries, où elle se rendait les mains pleines de pain et de pommes. « Voilà où passent toutes mes pommes !» s'écria Lord Blatchmardine, qui était fort jaloux de tous les produits de ses terres. Il fut convenu entre eux que Lady Frances, Lord Beville et Miss Moulton viendraient finir la journée à Tangley Manor, où l'on était dans l'habitude de ne pas dîner trop tard, afin de laisser plus de liberté aux serviteurs. À cette heure arrivèrent les trois invités. Aussitôt, on organisa des jeux, charades, tableaux parlants dans le grand salon, préparés d'avance par les soins des sœurs de Morton et d'Elizabeth Hardman. Vers minuit, on la pria de jouer une valse, et avant de donner à Morton le temps de venir chercher sa fiancée, Lord Beville s'était élancé vers Dulcy, l'entraînant, bon gré mal gré, à suivre avec lui le rythme mélodieux de la valse du beau Danube bleu. Morton admirait la grâce enchanteresse de Dulcy, et serait peut-être resté indéfiniment absorbé dans cette contemplation si Lady Frances ne lui avait dit en le regardant avec un sourire séduisant « Eh bien, cette mélodie ne vous inspire-t-elle rien ?»« Elle m'inspire le désir de solliciter le privilège de valser avec vous, » répondit Morton. Lady Frances ne se fit pas prier, et tous deux continuèrent à valser, alors que Lord Beville et Dulcy y avaient renoncé depuis longtemps. « Votre sœur est une valseuse incomparable, » dit Dulcy en regardant avec un frémissement de jalousie Morton et Lady Frances tourbillonner indéfiniment comme les danseurs fantastiques d'une ballade allemande. Elizabeth ayant fini par frapper avec vigueur l'accord final, les danseurs s'arrêtèrent brusquement. « Je vois bien, » dit-elle à Morton, « que vous ne pensez pas à la pianiste. »« Je vous en fais toutes mes excuses, ma bonne Lizzie, » repartit vivement Morton, « mais convenez que je ne pouvais guère demander grâce le premier. » Puis, Lady Frances ayant été mon professeur, je tenais à lui prouver que l'élève était digne du maître. « Ah, vous ne m'aviez jamais dit cela !» murmura à voix basse la douce Dulcy en prenant le bras que lui offrait son fiancé pour la conduire dans le jardin d'hiver, tout rempli de violettes de Parme, de roses de Noël, de camélias et de palmiers gigantesques. « Quelle terrible omission !» riposta-t-il en riant. « Mais vous savez bien que depuis 10 ans, Lady Frances, son frère et moi, vivons en bons camarades, presque toujours ensemble, chassant, jouant au billard, au lawn tennis. Je me demande alors... Oh, que vous demandez-vous ainsi, dites? Eh bien, je me demande comment vous n'êtes pas tombé amoureux de Frances plutôt que de moi. Je me bornerai à vous faire la même question que Tom Jones faisait à sa fiancée. Laquelle? Regardez-vous dans un miroir, et vous verrez pourquoi je vous aime plus qu'aucune autre femme au monde, et pourquoi je vous ai toujours été... et je vous serai toujours fidèle. Oh, si votre amour pour moi ne s'appuie que sur des bases aussi fragiles, que ne dois-je pas craindre du temps, de la maladie, qui peuvent en un moment me ravir et ma beauté et votre amour? Si cet amour m'a été inspiré par vos charmes, ma chère Dulcy, il n'en est pas moins durable, car il fait maintenant partie indissoluble de mon être, et rien ne saurait l'amoindrir. J'aime à vous croire, et je suis heureuse de vous l'entendre dire. Répondit Dulcy en attachant sur lui ses grands yeux bleus, pleins d'innocence et d'amour.